Quand c'est l'avant-dernière contre-soirée, quand on se casse la gueule, quand l'ambiance est gênante, quand la situation est absurde, tout simplement, on rigole. L'humour, c'est ce qui nous reste quand on n'a pas grand-chose à perdre de plus. Bonjour, êtes-vous d'humeur maussade, stressée, énervée, échaudée, pressée, ennuyée, ou pire, pas d'humeur ? Le rire vous sauvera. Eux et elles s'appellent Blanche Gardin, Thomas Gauthier, Yvick, Pamela Adlon, Coluche, Kéron, Jimmy Fallon, Bo Burnham, Florence Foresti et j'en passe. Des professionnels de l'humour, des gens créatifs, drôles, mais surtout d'excellents auteurs ou interprètes, ou les deux. Et on a besoin d'eux justement. Enlever l'humour et le monde s'écroule. Nos vies tiennent grâce au rire, à la comédie, au stand-up, à la BD, à l'humour sur internet. Mais les meilleurs auteurs de comédie, c'est encore nous-mêmes. Rien de plus marrant qu'une conversation entre deux personnes taquines, amoureuses, parfois drôles souvent. Rien de mieux qu'une story drôle, parce qu'elle est maladroite justement, d'une faute de frappe dans un texto, d'un lapsus révélateur. Est-ce qu'on rit différemment avec Internet ? Est-ce qu'on peut rire de sujets lourds ? Comment est-ce qu'on rit de ces sujets-là ? Comment choisir votre prochaine comédie française à regarder ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vous apprendre à être drôle ce soir. C'est un poil étrange, mais on va parler sérieusement de rigolade. Bienvenue à vous, c'est le temps de l'humour. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. En direct, tout de suite sur Radio Présence. Et en podcast, où vous voulez, quand vous voulez. Contre-soirée, un programme présenté par Grégoire Dubois. Il fait chaud ce soir et nous sommes dans les studios de Radio Présence, toujours avec une équipe restreinte. À côté de moi, il y a Myriam et Josué. Bonjour les amis. Salut. Salut. Salut, bonsoir. Ça, vous ne fondez pas trop ? Ah si, complètement. Bon, ben nos auditeurs fondent peut-être aussi. Mais Olaf. Je fonds pour eux, moi. Tel Olaf. Tel Olaf devant le feu. Belle déclaration d'amour de Josué. On fond pour vous. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans Contre-soirée. Il est à 19h02, on est ensemble jusqu'à 19h56 et 30 secondes très exactement. C'est Contre-soirée, c'est l'avant-dernière émission. On est un petit peu triste, mais pas encore. On sera triste la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle d'humour avec une équipe restreinte, donc, mais on va aborder plusieurs sujets quand même. En régie, comme d'habitude, on a Coraline. Bonsoir Coraline. Bonsoir. Voilà, qui réalise le live Twitch et puis l'émission de radio. Voilà. Et vous pouvez nous suivre justement sur Twitch, un site internet qui est un petit peu une télé sur internet, twitch.tv/ctrsoirée. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est le 07 68 37 17 18 que vous pouvez composer pour nous écrire pendant l'émission, des SMS ou des messages sur WhatsApp comme vous voulez, on les lira. Donc allez-y, prenez votre téléphone portable 07 68 37 17 18, n'hésitez pas à nous écrire. Tout à l'heure on aura Monsieur le Prof, notre invité, qui est un gars qui fait des blagues sur Twitter et qui a une communauté assez chouette sur internet. Il est très actif sur le net et accessoirement c'est un prof d'anglais en lycée. On l'aura tout à l'heure après une bonne discussion et après nos boutons replay pour commencer. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Le bouton replay. Alors pour commencer ce bouton replay, connaissez-vous FIP ? Connaissez-vous FIP, vous, dans l'équipe ? Absolument. Absolument. Absolument. Absolument. J'ai eu peur que vous disiez absolument pas, parce que si. Ça commence pareil. En fait, FIP a toujours la bonne musique pour n'importe quelle occasion. C'est vrai. Mmh. C'est vrai, FIP, c'est une radio éclectique, c'est une radio qui fait partie du bouquet de Radio France, donc le service public. C'est une radio musicale unique en son genre qui est écoutée en France et aussi un petit peu partout dans le monde. Elle avait été... Il y a eu un événement un petit peu marquant, c'est que le PDG de Twitter, sur son compte personnel, son compte Twitter personnel, avait tweeté un jour il y a des années FIP best radio in the world et, wow. Et ça avait fait plaisir aux gens de FIP. J'imagine c'est une radio, en fait il y a quelques programmateurs, programmatrices qui font des playlists non automatiques, parce que vous savez que pour les radios musicales en général il y a une partie d'automatisme, pas tout n'est pas automatique, mais il y a une partie d'automatisme et de logiciels qui génèrent des grilles de diffusion. Et pour FIP c'est pas du tout le cas, il y a une playlist vraiment générée complètement 100% par des humains, et des humains passionnés, connaisseurs de la musique. Ce qui est bien avec FIP, c'est qu'il y a des web radios aussi, vous pouvez ne pas écouter la FM, et écouter sur internet. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a 7, il y en avait 7 et il y en a 8 maintenant, c'est pour ça que je vous fais ce bouton replay. On avait une web radio FIP rock, jazz, reggae, groove, électro, monde, et puis une web radio nouveauté. Et la petite dernière, c'est FIP Pop. Donc si vous voulez un petit peu de pop, mais pop c'est large, hein, ils mettent de la pop ancienne, de la pop de la nouvelle génération, des Français, des étrangers. C'est incroyable, donc allez-y sur FIP.fr, vous trouverez facilement ces web radios. On parle de musique, il y en a une qui est allée à la fête de la musique, c'est toi Myriam ? T'es sortie, c'est ça ? Alors je suis sortie, oui. Question mais piège, parce qu'en fait, moi là où j'étais, il n'y avait pas de fête de la musique. Oui, ouais, ici, pas vraiment non plus. En fait, il y avait à Toulouse, donc, où je me trouvais. Donc à Toulouse, qu'est-ce qu'il y a eu ? À Toulouse, en fait, on est passé avec ma coloc Place Saint-Pierre pour voir ce qui s'y passait. Et c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se réunissait. Et en fait, plein de monde en terrasse, mais pas vraiment d'événement musical à proprement parler. C'était interdit, c'était... Oui, en fait, la plupart des préfectures ont demandé que ça se fasse pas et que les événements de plus de 10 personnes n'aient pas lieu. Donc, c'était très limité. En fait, il y avait quand même plein de propositions et je sais pas si vous avez pu en profiter, mais soit à la radio, soit sur, et retransmis, oui, surtout sur Internet, en fait. Il y avait Jean-Michel Barre, par exemple, ou... Jean-Michel Jarre ? Jarre, pardon. Ah oui, oui, c'est ça. Barre, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais... Jean-Michel Jarre avec la musique électronique, mais il y avait aussi un concert sur France Inter avec Louise Attaque, Pomme, entre autres. Sur Virgin Radio Paris, c'était Indochine. Il y avait des DJ sets, des concerts ou des lives surprises, par exemple chez Did, avec un groupe du Rajasthan. Donc voilà, il y avait plein de belles découvertes à faire, mais effectivement... On nous a demandé de plutôt rester chez nous encore. Oui, oui, c'est pour ça, oui, bien sûr. Mais ça a été plus ou moins respecté, comme on a pu le voir sur les images. Tout le monde en parlait le lendemain. Mais voilà. La fête de la musique, ça se passe aussi sur Internet. Ça peut aussi se faire sur Internet. Voilà. Et si c'est pas tous les ans, si c'est pas tous les ans comme ça. Apparemment, depuis les années 1982, c'est un événement vraiment incontournable et donc c'était difficile quand même de s'en priver. Et voilà, c'était un peu une reprise de liberté que les Français ont démontré, on va dire. Donc 82, la fête de la musique en France, en tout cas. Ouais, que c'est vraiment devenu un événement, quoi. Alors, on parle de musique, on parle de plein de choses ce soir. Je parle encore de musique, puis après ce sera Josué qui nous fera son bouton replay, qui n'a rien à voir, mais qui est en lien avec le thème du jour. Est-ce que vous connaissez Tenzin Gyatso dans l'équipe? Je ne pense pas, vu vos têtes de phase. Pardon, vas-y, juge. Ça se trouve, je connais. Tête de... Ah, okay, alors, je connais pas. Qui est Tenzin Gyatso? Non, mais c'est un très fameux musicien que je ne connais pas. Alors, on peut dire maintenant que c'est un musicien. Figure-toi que c'est le 14e Dalai Lama. Voilà, c'est le Dalai Lama qui va sortir un album. Donc voilà, je vous tease un petit peu. Ah oui, j'en ai entendu parler. Qui est le Dalai Lama? On le sait à peu près. On ne sait L'actuel? Pas très bien. Alors, qui est le titre du Dalai Lama? Parce que justement, quel est son rôle? Tout le monde ne sait pas que le Dalai Lama n'est pas juste une personne, c'est le titre de quelqu'un, comme on pourrait dire le pape. Bon, oui. Voilà, mais ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, je le précise, c'est le chef spirituel et puis politique, mais de moins en moins, du Tibet et du bouddhisme. Voilà, depuis 1950, il y a ce titre-là. Il se succède, les Dalai Lama, depuis le 15e siècle, j'ai vu ça. Et un album, je vous laisse écouter pour découvrir un album du Dalai Lama, Tenzin Gyatso, l'actuel Dalai Lama. Voilà, ne vous endormez pas. Méditatif. C'est méditatif, voilà, sans surprise, c'est pas un album de rap ou de pop. Voilà. Ça aurait été énorme. Ça aurait été incroyable. À quand un album du pape François, hein, n'hésitez pas. La communication autour de ça, quoi. Bah ouais, en tout cas, ça a fait un petit peu de bruit, forcément, c'est quand même un chef spirituel. Et puis, toutes les religions n'ont pas un chef spirituel de toute la communauté. On a ça pour le catholicisme, on a ça pour le bouddhisme. Donc voilà, il y a un petit peu de bruit autour de ça. C'est un titre, enfin c'est le premier single, c'est rigolo de dire ça, mais c'est le premier single de l'EP du Dalai Lama qui sortira le 6 juillet en l'honneur de ses 85 ans. Ça s'appelle Compassion, wow. Le single, et l'album s'appellera Inner World, Monde Intérieur, donc... voilà, on va arrêter ce petit son pour éviter d'endormir nos auditeurs, mais on va passer à un sujet du jour, l'humour, avec un dernier bouton replay de Josué. Tu nous présentes deux larrons du web. Oui, à Delaron qui sont connus depuis très peu de temps puisqu'ils ont percé mais à une vitesse, mais enfin, disons que maintenant ça fait 3 ans quand même. Très peu de temps. Fait, ouais. Oui, non, ça fait 3 ans, mais le temps passe vite, c'est pour ça. Quand on s'amuse. donc 3 ans maintenant, mais ils ont explosé sur YouTube en 1 an à peine. Et donc c'est tout simplement 2 youtubeurs du nom de McFly et Carlito, meilleurs amis d'enfance, qui font une chaîne YouTube depuis donc 2017. Et ils sont tout simplement à mourir de rire parce que chacune de leurs vidéos, donc tous les dimanches à 10h pour ceux qui ne connaissent pas, chacune de leurs vidéos est très vraiment tournée autour d'une prod très forte, toujours développer beaucoup de choses. C'est des vidéos de 30 minutes, de 20 à 30 minutes, c'est pas de petites vidéos comme certains youtubeurs font, beaucoup de youtubeurs font. Et donc c'est des vidéos très poussées, très développées, avec beaucoup de recherche derrière, d'écriture, d'invités souvent. Et je vais vous faire écouter un truc très particulier, c'est leur rire. Pour les gens qui ne connaissent pas. Hein, ils ont un rire très particulier, mais ils sont très drôles et ils rigolent tout le temps, mais vraiment en permanence. Beaucoup leur disent que c'est forcé, mais personnellement j'en doute beaucoup, mais à vous de juger, dites-le, envoyez-nous un SMS. À vous de juger, on écoute ça. Voilà, voilà, et je vous laisse écouter les rires de McFly et Carlito. Alors, si je puis me permettre, Josué est explosé de rire, c'est vraiment... Non mais c'est vraiment des rires atypiques, donc on les reconnaîtrait entre 1000 et... Enfin peut-être pas entre 1000 quand même. Allez. Si, entre 1000. Entre 1000, ouais, entre 1000. Voilà, Grégoire approuve. Pas 10 000, mais pas 1000, plus, mais 1000, ouais. 10 000, non, ouais. 1500. Mais bon, voilà, 1005 maximum. Maximum. Voilà, la barre est là. Donc voilà, très très drôle, très très recherché. Avec le confinement, ils ont dû arrêter leurs vidéos, mais ils ont repris, du coup, très rapidement, après le confinement. Et donc je vous invite à aller checker si vous connaissez pas, enfin à aller regarder quoi. Donc les vidéos sortent tous les dimanches à 10h et maintenant ils ont une chaîne secondaire sur laquelle ils postent quelques vidéos de temps en temps, des plus courtes, des plus simples et voilà, pour le rire justement, pour faire juste rire leur communauté. Rire. Ils sont très très drôles, hein, vraiment. Et alors, Myriam elle a rigolé quand t'as dit très drôle et très recherché, c'est ça? C'est oui, pour parce ça que je pensais que tu parlais du rire qui était recherché. Enfin, je pensais... Ah, non, non, le rire. Bah, s'il est recherché, il est un peu forcé, je trouve. Mais le pouvait être compris oui. Dans les deux sens. Donc, voilà, c'est vrai. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, justement, sachez que beaucoup de gens connaissent, mais allez découvrir, il n'est pas trop tard. C'est drôle, peut-être que vous n'adhérez pas à cet humour, mais. Presque. Ils ont 5 millions d'abonnés, quoi. 5 oui, millions. Oui, oui, oui. Ça se compte plus, là, à ce niveau-là, 5 ou 6, ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc ils pèsent et c'est vrai qu'ils sont assez représentatifs, alors tout le monde n'aime pas, mais ils sont assez représentatifs de nos générations, j'ai l'impression, ils abordent beaucoup de thèmes. Et pourtant ils ont deux enfants, ils sont mariés et deux enfants oui, chacun, ça. Quoi, et ils, ça c'est ils, très ils ont drôle. Ils n'ont pas 20 ans, quoi, ils ont plus 35, ouais, je pense ils qu'ils ont... Ils ont 33 maintenant, ah, tous les deux. Ouais. Ils connaissent parfaitement leur âge. 33, ouais, ça, je suis un fanboy un peu. Ça c'est un bon chroniqueur. Donc voilà, McFly et Carlito, allez découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Et nous, on va parler d'humour juste après une première pause musicale. Restez avec nous. N'hésitez pas à nous spammer, nous envoyer plein de messages qui vont faire vibrer nos téléphones, comme il ne fait pas assez chaud dans le studio. Et on se retrouve dans 3 minutes juste après ça. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew, crew, crew. Truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic-chic. Chouk-chouk, musique, écoute le crew quand tu fais crac-crac. Rascar, capac, t'arraches la langue comme un tic-tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4-car. Hardcore, pauvre tocard, j'tue comme un père sévère. Faut que ce truc persévère, putain mec, check sévère. Pas de ukulélé, pas de bebop loula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous. Mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile si cette cagoule. Le stupé flip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Le lapin veut sa stup dose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons. Et ça détale en sautillant, toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip-hop psychotrope, il provoque des cloques qui claquent. Mec j'ai la grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec c'est hoche, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Liston rentre à la niche, face aux ouf qui se postiche. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. On est le flip-flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas ce si que je fabrique, mec. Si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflipron. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflipron. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflipron. C'est pas de la soupe, j'balance des bombes, j'suis dans ma stup sous coupe. Ma zik et ma soupape, j'découpe ce truc au coupe, coupe. Mac les cartes, drogue, te braque, file des claques et fume tes clopes. J'suis le hip hop cyclope qui va te. Stupé flip, super top, ça tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clé. Le son du crew te tient en laisse, faire les oufs qui te bottent les fesses. Que tu piges, y'a pas de caresses. Rascarca dans tes corneflex. Tout ça à don, ça tue la teuf. Juste un son qui fout des baffes. Je suis king du badard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or. Ce qu'il y a dans mon disque dur, je fais des disques d'art qui seront si disques d'or. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flipron. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flipron. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflipron. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflipron. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflipron. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflipron. Ça c'est Stupéflip, si vous découvrez un groupe incroyable entre le rap et la chanson française, c'est assez hybride. C'est incroyable, on aime ou on n'aime pas, j'adore, allez découvrir. C'était The Antidote, le titre, tiré de leur dernier album qui remonte à 2017 quand même. Ça s'appelle Stupvirus, cet album, allez découvrir. Et aujourd'hui dans Contre-soirée, on parle d'humour. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération, le vif du sujet. Alors le but ce soir, comme un petit peu dans chaque contre-soirée, c'est de recenser ce qui a trait à une pratique culturelle ou une autre, pardonnez-moi. Voilà, on parle de séries, on parle d'écran, on parle de lecture. Ce soir, on parle d'humour et on va recenser un petit peu ce qui nous fait rire, tout simplement, parce que c'est important. Ça va être un petit peu étrange parce qu'on parle, c'est le parti pris de notre émission, c'est une émission plutôt sérieuse, plutôt culturelle. On va parler sérieusement d'un sujet qui est justement léger. Comme on le verra, c'est un sujet qui peut aussi apporter beaucoup de fond, qui peut apporter de la réflexion, qui peut dénoncer, qui peut aussi rendre plus légère des choses compliquées. Et puis on peut aussi rire pour rire, hein, ça je vous encourage vraiment, il n'y a pas toujours besoin de réfléchir. Voilà, chacun a un petit peu son type d'humour préféré, il y a l'humour noir, il y a l'humour le rire jaune, mais pas, enfin on rit jaune. Mais bref, plusieurs couleurs comme ça. On va aborder le cinéma à la télé, le stand-up, tout ce qui est spectacle, scène. Et puis bien sûr l'humour sur internet et dans la BD, j'ai oublié, dans la littérature. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit tour de table. Qu'est-ce qui vous fait rire en général ? Qu'est-ce qui, là, si je vous dis l'humour, est-ce que tout de suite il y a le stand-up qui vous vient ? Est-ce que tout de suite il y a des BD belges qui vous viennent ? Est-ce qu'il y a les groupes Facebook, les Nurshi, dont on parlera tout à l'heure ? Josué ? Ah, moi je dirais pas un objet en particulier, c'est ouais. Limité. Moi c'est tout qui me fait rire. Les gens en priorité. Les gens, ah c'est intéressant, bah oui bien sûr. Les gens en priorité, les gens que je vois en face to face. Ouais, je suis un peu bilingue. Les gens que je vois en face de moi, qui sont. Enfin, que je connais bien quoi, des amis, des gens comme ça, c'est eux qui me font le plus rire. Et après évidemment, tout quoi, l'internet, les vidéos humoristiques, les sketchs, le stand-up, tout ça. Est-ce qu'il y a un genre d'humour qui te fait L'humour noir, rire. Ça me tue. Ah non, ça me fait pas rire. Ah oui, d'accord. Non, l'humour non. Noir, qu'est-ce qui me fait pas rire C'est compliqué comme question. L'humour vulgaire. L'humour vulgaire, ça me fait pas rire. Il y a des choses très drôles hein, dans l'humour vulgaire. Ouais. Bah, des fois, les sketchs sont vraiment, vraiment exagérés. Mais je comprends que ce soit drôle. Vraiment, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Ça dépend vraiment du ton et tout. Parce que moi aussi, j'aurais tendance à dire ça, mais il y a des sketchs qui font mourir de rire ou juste des passages. Mais conseillez-moi des sketchs de drôles de gens qui sont, voilà, qui poussent le bouchon trop loin. Non, mais qui sont vulgaires, mais qui le font exprès, qui poussent le bouchon parce que franchement, je suis sûr que c'est drôle quand c'est bien fait, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui le faisait bien. Après, moi, il y a un film comme ça qui est quand même pas mal vulgaire, mais que je trouve vraiment drôle. Five, le film français avec des acteurs Pierre français, Ninet, Pierre Ninet, voilà, avec François Civil, exactement, voilà, qui sont connus tous une les deux. Une bande de potes, une bande de potes qui ont des galères d'appart, en gros. Il y en a un, il est censé fermer des études de médecine et puis et avec l'argent de son père, il se prend un super appart pour les potes. Ah. Oui, d'accord, ok. Et Five, ce film te fait rire. Ça me fait rire, alors que franchement, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a plein de trucs vulgaires. Il faut pas le montrer, voilà, à ton petit cousin de 12 ans, quoi. Mais En fait, je pense que ça existe pas. Enfin, dire on aime ou on n'aime pas la vulgarité, ça existe pas, je non, pense. Non, non, mais en général, c'est vrai que moi aussi, le vulgaire, j'aime pas. Je suis pas fan. Et puis l'humour ou, enfin, les vidéos où les gens se cassent la figure et tu vois qu'ils se font mal, en fait. Moi, ça me fait pas du tout rire. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais plus tendance à penser, mais le pauvre, il s'est fait mal. Mais oui, moi, j'ai pitié, quoi. C'est ça, horrible. Ça, c'est les mécanismes de Mr. Bean, de. Oui, mais lui, c'est. Mais c'est drôle. Exprès, lui, c'est drôle. Puis ils font exprès, ils sont pas mal. Ça dépend du traitement. Ils font exprès, exactement. C'est contrôlé. Alors que des comme quand il avale sa langoustine avec la coque, c'est drôle quand même. Voilà. Ou alors les best-of de vidéos où les mecs font des chutes en skate, en roller et tout. Ah et oui. Tu vois qu'ils atterrissent mais sur le visage des fois. Alors c'est la chute est drôle certes, mais s'il atterrit sur un pouf, là c'est drôle. Mais c'est vrai que parfois c'est vraiment c'est violent. Terrible. On se dit qu'ils vont à l'hosto après vraiment. Moi je suis bah, c'est probable. C'est plein de vidéos qui ont été tirées d'un peu partout et une compilation. Mais c'est vraiment un sociologue nous l'expliquerait beaucoup mieux. Mais c'est vraiment physique et puis même c'est culturel, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est culturel. On voit quelqu'un tomber dans la rue, bah malheureusement c'est bête à dire, mais on commence par avoir un rire intérieur peut-être. Mais il y a un truc qui me fait rire dans ces vidéos quand même quand ils se font mal, c'est les amis qui filment et qui se plient de rire. Ça c'est vraiment le pire respect. Est-ce du qu'on monde. Peut en parler 15 secondes? Juste des amis mais qui ont vraiment zéro respect, qui ou checkent même parents, pas si les amis les proches de qui filment ou des gens au hasard dans la rue et vraiment mais ils se plient en deux alors que le mec s'est peut-être fait mal. Et puis après, ils vont voir pour l'aider. Ah bah je suis sûr qu'ils vont le voir pour l'aider. Mais ils y vont après. Parce qu'ils ont, d'abord, il faut cliquer sur le bouton qui arrête la vidéo. Pour vraiment enregistrer la vidéo, sinon c'est nul, quoi. Sinon ça passe pas à la télé. On a raté une bonne vidéo, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Après, les animaux qui font des trucs, ça c'est drôle. Ah oui, bah alors là, bon, les chats sur Internet, si vous ne le savez pas... Si vous nous écoutez, si vous ne le savez pas, le chat est vraiment un phénomène sur Internet, les vidéos mais de chats. Ah mais le chat, les poissons, les animaux, chiens, les relations entre eux, tous, ils sont des câlins, c'est trop mignon, c'est trop drôle. Les animaux mignons et drôles, en fait. Voilà, c'est, ça. Mais ça peut être aussi avec les animaux qui... des animaux un peu plus exotiques. Il y a parfois des vidéos, je sais pas, il y avait un éléphanto qui faisait un câlin à une dame, forcément il écrase un peu, quoi. Donc c'était drôle. Les perruches, les perroquets aussi, ça c'est très drôle. Ah oui. On comprend pourquoi après, mais on peut comprendre pourquoi, imaginez. Et puis il y a aussi les cocos. Coco est content. Les perroquets qui. Ça parle, les perroquets. Oui, justement. Et là, c'est le décalage, on n'attend pas d'un animal qui parle, donc voilà. C'est très sociologique, c'est très culturel et c'est très. Ça vient du corps aussi, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Bon, on va reparler d'Internet un petit peu après. On n'a pas évoqué la BD, tu veux en parler peut-être un petit peu, Myriam, la BD. Oui, la BD, nous on avait. La BD, quoi. Enfin, moi, mes premiers peut-être liens avec l'humour, c'était petit, les BD belges, en gros, les BD, des BD françaises aussi. L'humour, les vraiment. Les BD belges, c'est le chat. Le chat, tout ce qui est Peyo. Peyo, les Schtroumpfs. Moi, je connais pas. Il y a Gaston Lagaffe. Okay. Gaston Lagaffe, c'est un classique. Moi, c'était Gaston Lagaffe à la maison. On les et a tous. Achille Talon, que j'ai pas compris tout de suite quand j'étais petite, parce que c'était un peu décalé, effectivement. Ouais, décalé. Mais, un peu plus adulte, ouais. Ouais. Et c'est ça. Mais vraiment intéressant aussi, c'est de l'humour un peu plus fin. Mais Gaston Lagaffe, c'est la base. Oui, voilà. Gaston Lagaffe, pour moi, c'est des gags. En fait, ce qui est drôle, c'est les gags. Comme les gags, oui, comme tu en parlais tout à l'heure de McFly et Carlito, c'est juste des gags. C'est juste des trucs hyper bêtes si tu les fais. Et pour le coup, il se fait mal aussi. Hein. Oui, mais ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un personnage. Et c'est vraiment le personnage est tellement tout le temps le même. Et Il est attachant en plus. Il est attachant. Il est hyper sympathique. Ouais, on est ouais, vraiment. Il fait pas exprès. Oh, mais enfin. Ouais, voilà. Oui, mais c'est. Il grogne, il a la flemme. Mais on se reconnaît dans lui des fois parce que vraiment. Et l'humour, ça décrit notre vie, enfin nos côtés noirs ou juste un peu nuls, quoi. Oui, nos côtés un peu nuls. Nos défauts, nos qualités. Tout à l'heure, avec notre invité, Monsieur le Prof, on parlera aussi d'humour noir, de la façon dont ça peut nous aider dans notre vie. L'humour pour exorciser un petit peu certaines choses. Et il y a beaucoup de choses à explorer là-dedans. L'humour, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On n'a pas parlé de scène encore. Est-ce que vous suivez des humoristes? Est-ce que vous aimez des humoristes? Et déjà, on ne sait pas trop ce qu'on peut appeler humoriste aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui commencent à faire des stories qui sont super connus, ils deviennent des humoristes. Il y a des gens qui sont passés par le cours Florent et qui sont humoristes, qui font de la scène. Et puis, il y a des gens qui ont fait du cinéma qui sont humoristes. Enfin, voilà, il y a plein de gens comme ça. Est-ce que vous en suivez certains, Josué? Est-ce que tu as des noms comme ça qui deviennent, si je te dis humoriste? Ouais, mettons en France. Il y en a trois. Je vais dire trois parce que c'est mes préférés. C'est ceux que je regarde depuis 2012. C'est Arnaud de Samer, Jérémy Ferrand. Harry et Ben. Bon, ils font tout le temps des trios ensemble, hein. C'est pour ça que je les dis ensemble, ils sont tout le temps, ils sont super amis. Je les connais bien, Ils sont, mais géniaux. C'est les seuls que j'ai vus en spectacle, et enfin, vraiment, Arnaud Samer et Ben, ils sont très souvent ensemble et ils font des duos vraiment. Mais c'est vraiment, mais c'est de l'absurdité, de l'absurdité quoi. C'est vraiment, forte. Ah ouais, c'est vraiment très fort. C'est vraiment stupide. Mais vraiment, c'est de l'humour qui est simple et ça fait rire et ça détend. Vraiment, c'est le genre de choses qui. Alors par contre, Jérémy Ferrari, c'est pas le même registre. C'est beaucoup plus humour noir, mais vraiment très poussé. C'est-à-dire que Jérémy Ferrari, il lésinera pas sur l'humour noir. C'est un peu plus politique aussi. Ah, c'est très politique. Ouais, il a fait deux spectacles. Il en a préparé un troisième. Ah ouais, moi j'en ai vu un et franchement c'était sur c'était lors des attentats etc, donc c'était sur tout ce qui est terrorisme, religion, tout ça. Aussi il a sorti des trucs et vraiment on en rigole, mais on a presque honte de rigoler sur le moment parce qu'on se dit mais waouh, bon c'est son métier donc forcément après on décomplexe et c'est génial. Mais Arnaud Tamer et Ben, vraiment je vous les conseille fortement parce que bon voilà, c'est juste C'est décalé, c'est génial. Ouais. C'est décalé, c'est des perles, c'est génial. C'est pour le coup jamais vulgaire, enfin très peu parce que sinon je regarderais pas, comme je disais. Ça te plaît moins, ouais. Et c'est voilà, juste simple, efficace, voilà, rigolo. On parle beaucoup d'humour absurde et d'humour noir. Enfin, on cite pas mal les deux. Après, il y a d'autres formes d'humour, mais j'ai l'impression que ça revient souvent. C'est juste une réflexion comme ça. Je vous conseille aussi Bo Burnham, qui est un comédien incroyable qui fait des spectacles. C'est pas du stand-up, c'est vraiment c'est unique quoi. Donc Bo Burnham, s'écrit B-O plus loin Burnham, et voilà, c'est un anglophone. Il y a aussi, alors en France, on a notre Alexandre Astier national que je voulais citer, qui a fait un spectacle qui s'appelle l'Exoconférence il y a quelques années. Je sais pas si vous connaissez l'Exoconférence. C'est un spectacle, c'est pas un stand-up, un spectacle où il est tout seul en scène, donc on pourrait appeler ça du stand-up, mais passons, où il parle d'espace, d'astronomie, parce qu'en fait il est passionné par ça, il parle de planètes extraterrestres, de vie extraterrestre, d'exploration, etc. Et c'est incroyable, il a créé un show avec toute une scénographie, donc l'Exoconférence, je voulais le citer parce que c'est vraiment l'exemple d'un spectacle qui n'est pas du stand-up. Et dans l'humour, il faut forcément parler de la scène, parce que c'est là où les gens ont été drôles depuis des siècles. Ils ont commencé à aller dans les cafés, dans les machins, c'était d'abord devant les gens que les gens étaient drôles comme ça. Et voilà, c'est vraiment cet héritage de la scène. Ça existe depuis toujours, je pense. Depuis 2000 ans, il y a des gens qui font rire d'autres gens. Des gens étaient drôles. Mais même dans le théâtre, Cyrano de Bergerac, il y a quand même plein de passages où c'est drôle. Exactement. Cyrano, c'est une comédie. Oui, alors que ça finit tragiquement quand même. Mais justement, ça mêle plein de choses, c'est génial. Ouais, mais les pièces de théâtre comme de Molière, par exemple, c'est des grands classiques et ça fait rire. C'était leur stand-up de l'époque. Et puis après, il y a les vaudevilles qui étaient vraiment centrés sur le comique, qui était beaucoup plus léger. Ouais, il y avait du plus léger. Aussi, il y avait un peu de tout. Il y a un humoriste que j'aimerais évoquer en particulier parce que je le trouve particulièrement exceptionnel pour une raison simple, c'est Guillaume Bas, BATS. En fait, il a une maladie, je sais plus comment elle s'appelle, il a une maladie, il est handicapé. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a surmonté ça d'une manière que. Il est un peu pas très grand. Oui, il est très petit, il est un peu déformé, il a du problème au visage, etc. Il a du mal à parler. Et pourtant, il a fait de la scène. Ouais, et moi, je trouve ça exceptionnel de faire ça. Il faut surmonter ça. Bon, j'imagine que pour lui, aujourd'hui, ça va parfaitement. Il est très bien. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il joue de ça. Et justement, il a fait des sketchs avec les humoristes que j'ai déjà cités, Arnaud Samer, etc. Autodérision. Et il se fait Jérémy Ferrari, il l'insulte sur scène, mais juste pour rire. Et Guillaume Bas, il fait genre de ne pas comprendre, d'être. Mais il joue de ça et c'est vraiment pareil, c'est amoureux. Et ça, par exemple, ça décomplexe. Vraiment. Ça, c'est le genre de choses. Si vous êtes anxieux, vous regardez ça le soir, vous dormez, mais comme un bébé, vraiment, parce que c'est vraiment drôle et ça vous sort des problèmes de votre vie, ça vous sort de tout et c'est génial. Ça marche aussi parce que c'est l'autodérision. Oui, voilà, c'est ça. L'autodérision, c'est hyper important. Et c'est un type d'humour aussi. Très important. C'est un type d'humour aussi. Et ceux qui jouent de ça. Après, c'est très personnel, mais moi je trouve qu'il devrait y avoir l'autodérision tout le temps dans l'humour. Oui. Il devrait, ça veut rien même dire, partout, mais même pour nous, ça me plaît beaucoup. Pour nous, bien sûr. En fait, ça nous fait vraiment grandir ça. Les premiers humoristes, comme je disais tout à l'heure, c'est nous, c'est quand on fait des blagues et tout. C'est juste qu'il y en a qui sont professionnels, après qui font rire d'autres personnes qui savent, qui connaissent les mécanismes de l'humour. Je voulais vous citer un film qui s'appelle La classe américaine, qui s'appelle aussi Le Grand Détournement. Il a deux noms, La classe américaine, Le Grand Détournement. C'est des gens qui, des producteurs de cinéma français qui ont eu, dans les années, je ne sais plus, 80 peut-être pas du tout, Alors, en tout cas, ils ont eu accès à un moment donné à des images de films américains, et ils ont mixé plusieurs images de films pour faire un nouveau montage et créer une histoire complètement absurde. Et ils ont refait des dialogues en français dessus, donc la classe américaine, c'est vraiment mort de rire du début à la fin. Et voilà, ça c'est le côté parodie de l'humour qu'on n'a pas encore évoqué, mais il y a beaucoup de côtés. On va parler un petit peu de l'interculturel avec toi, Myriam, parce que l'humour traverse les frontières, ça. C'est comme ça que tu me l'as dit, hein, je balance, moi. Et c'est vrai. Et l'humour traverse les frontières, mais alors pas dans tous les contextes. Il peut traverser les frontières, par exemple les mimes, tout ce qui est clown, comique de situation, peut traverser les frontières. Quand on fait référence, après, quand on veut faire traverser les frontières, bon là, il faut avoir la langue quand même. Donc, mais on peut faire référence, si on fait des références à l'actualité nationale, internationale, pardon, on arrive à faire rire tout le monde. Ou alors quand on vient d'extérieur et qu'on pose un regard un peu ethnologique, entre guillemets. Par exemple, on est suisse et on vit en France, on rigole des Français ou on souligne les différences, en fait. Ça marche bien. Ou après, c'est tout ce qui est surprise dans l'écriture. Quand on ne s'attend pas à une chute, on peut transposer même une histoire simple avec deux animaux. On peut la transposer dans un autre pays en mettant les bons animaux, par exemple, pour que les gens soient plus attachés aux personnages. Après, ce qui marche moins bien, par exemple, ça va être les jeux de mots ou l'humour grivois qui va être difficile à exporter parce que il va falloir traduire et puis l'angle de tir va être subtil. Il va falloir trouver le bon angle et ça c'est traduire un jeu de mots, c'est les expressions, coup de force, c'est très dur, etc. Ouais, c'est ça. Et voilà, mais l'humour est un bon révélateur des distinctions et similitudes entre deux cultures. Voilà, donc vous pouvez aller voir par exemple un bouquin qui s'appelle Frontières de l'humour. D'accord. De Maria Dolores Vivero Garcia. Si on veut en savoir voilà, plus. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple? J'en ai pas. Ouais, non, mais beaucoup d'autres, mais c'est sûr que tu citais les mimes. Bah, les mimes, pour le coup, on n'a pas besoin de connaître la langue, donc ça c'est bien. Regarde le nombre de blagues qu'il y a entre les Belges et les Français. Les Belges ont des dizaines de blagues sur les Français, oui, et vice versa. Ouais, c'est ça. On va dire que les Suisses sont lents. Que les Belges sont stupides, que les Français sont chiants, que des choses comme ça. Et toutes les cultures l'acceptent parce que justement, ça fait rire en fait. Oui, voilà, tant que c'est pas raciste, c'est pas démesuré, c'est juste de l'amour. Ça peut pas disparaître, ça. Voilà. J'allais dire de l'amour. Vous avez vu la puce révélateur un peu ? La puce révélateur, mais bien sûr, l'amour, c'est l'humour. J'aime les Belges. Parle-nous un petit peu d'Internet, toi, parce que justement, il y a un paquet de trucs avec vous sur Internet, on pourra pas tout évoquer. Ça rejoint le côté frontière, c'est que grâce à Internet, il n'y a pas du tout de frontière sur Internet. On l'a dit pour plein de choses. Ça, l'internet c'est toujours comme ça, mais l'humour il s'est développé sur le web depuis que l'internet existe. Ça a commencé directement, les gens quand YouTube est apparu, la première chose qui s'est développée, entre autres, je veux dire, c'est des vidéos, voilà, c'est des compiles. Et puis après il y a eu les premiers humoristes entre guillemets, enfin les vidéastes comme Cyprien Norman aujourd'hui, les gros vidéastes qui sont humoristes aujourd'hui, à 100%, des humoristes, des écrivains, des auteurs, voilà. Et c'est très très drôle parce que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en studio, les humoristes ont tendance à passer par des petites salles, et comme c'est très difficile de devenir connu dans ce genre de milieu, c'est comme le cinéma, la chanson, etc. Ils percent autrement et ils font d'abord leurs vidéos sur Internet, c'est-à-dire qu'ils vont aller diffuser soit leur spectacle dans des petites salles parisiennes ou enfin etc. ou alors dans tout simplement dans leur salon, dans leur chambre, ils diffusent des petits sketchs comme ça et ça fait beaucoup rire et ça se diffuse, ça se partage et voilà, ça réussit. Donc c'est comme ça qu'ils percent, et moi je trouve ça génial que on donne la chance à ces humoristes de gagner leur vie par leur passion, entre guillemets. Et ce qui est sûr avec Internet, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, après ça peut se discuter très longuement, mais qu'il y a quand même un humour Internet, il y a un humour Internet qui se développe avec les mèmes et les nerchis que je vais expliquer. Les gifs aussi, que je vais expliquer rapidement pour les mèmes et nerchis, parce que c'est des mots barbares si vous ne connaissez pas. Mais pour vous expliquer un petit peu ce que peut être l'humour Internet, c'est un humour qui est d'abord un peu de niche, qui est entre quelques adeptes sur Reddit, sur des forums encore moins connus ou quoi. Et en fait, ça devient une culture culture assez, assez mainstream, j'ai pas le mot massive. Français, mais assez de masse, voilà, une culture généralisée à tout Internet. Les mèmes, en gros, c'est le détournement d'une image connue, une image de film ou autre, pour parler d'autre chose. C'est une blague sous forme d'image qui a un potentiel viral assez fort. Et des mèmes, on en trouve beaucoup sur les Nurshis. Et les Nurshis, qu'est-ce que c'est en une minute ou deux? Ce sont des groupes Facebook, en fait, très concrètement. Nurshis, c'est le verlan pour chineur. Donc, c'est des groupes Facebook où des gens se rassemblent autour de thématiques plutôt loufoques, hein, pas forcément sérieuses, enfin rarement sérieuses. Pour vous donner quelques exemples, il y a les Nurshis de mèmes géographiques, les Nurshis de Gange, le fleuve Gange, que j'ai trouvé tout à l'heure, Nurshis de noms de villages pétés, où les gens mettent des noms de villages et ils prennent en photo le panneau d'un lieu-dit ou d'une ville, et c'est incroyable. Il y a le Nurshis de Je quitte le groupe, hein, pour les gens qui se plaignent quand ils quittent un groupe, qui font une longue publication pour dire je suis énervé, je quitte le groupe. Voilà, il y a les Nurshis de Trébuchet, qui est dans mon cœur pour toujours. C'est un groupe Facebook où il n'y a que des photos de trébuchets mises en scène, comme je vous expliquais, les mêmes mises en scène pour expliquer à quel point les trébuchets sont plus forts que les catapultes. Voilà, c'est l'humour internet. Nurshis de marketing claqué, Nurshis de friendzone, Nurshis balde de Tintin, ça c'est vraiment une ambiance assez incroyable. Sur ces groupes, il y a vraiment une ambiance une ambiance relativement bienveillante, en tout cas sur les groupes que je fréquente. Les gens sont là pour faire des blagues et des codes très précis, mais il n'y a pas trop de dérives. Les gens prennent vraiment ça avec du second degré ou alors du triple ou quadruple degré. Et c'est une ambiance très agréable, enfin, si on est adepte de cet humour-là. Et voilà, on pourrait parler encore longtemps de ces sujets. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous recommande un article de Numérama, le site Numérama, qui s'appelle « Facebook est-il devenu drôle ?» et qui parle justement de ces Nurshis, de ces mèmes. Et c'est très intéressant si vous n'y connaissez pas grand-chose. On va passer à la deuxième pause musicale de cette émission. Après avoir parlé de pas mal de sujets, tout à l'heure, on aura un invité qui va nous donner son point de vue, un invité qui est en partie humoriste. Moi, je considère que c'est un humoriste. Monsieur le prof, on le retrouve juste après ça. My friends, they wanna take me to the movies. I tell them to fuck off, I'm holding hands with my depression. And right when I think I've overcome it, anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson. Oh, I try my best just to be social. I make all these plans with friends and hope they call and cancel. Then I overthink about the things I'm missing. Now I'm wishing I was with them. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. My exes all say that I'm hard to deal with, and I admit it. Yeah, but all my friends, they don't know what it's like. What it's like, they don't understand why I can't sleep through the night. I've been told that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like. What it's like. Always wanted to be one of those people in the room that says something and everyone puts their hand up. Ça c'est Julia Michaels, en featuring, donc en collaboration avec Selena Gomez. Ça s'appelle Anxiety, le mot anxiété en anglais. Allez réécouter ça un petit peu. On fait une playlist d'habitude, une playlist de toutes les musiques qu'on a passées dans Contre-soirée. On vous la mettra sur Facebook. Bienvenue, re-bienvenue dans Contre-soirée. C'est le moment de la parole à l'invité. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. La parole à l'invité. Notre dernier invité de contre-soirée tweet, retweet, écrit des blagues, mais pas que, sur Internet. Il a pondu plusieurs ouvrages et notamment co-écrit Le Hussard Noir. En tout cas, il sévit sur les réseaux sociaux derrière le pseudo Monsieur le Prof. Sans surprise, il enseigne l'anglais à des lycéens. Monsieur le Prof, aka William, bonjour. Bonjour. Ma première question, est-ce que Monsieur le Prof, c'est juste un pseudo ou bien c'est carrément un personnage? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas tout à fait toi? Qu'est-ce que tu fais déjà pour présenter? Tu fais des blagues sur Twitter, enfin depuis longtemps? Alors oui, c'est un pseudo. Quand les élèves me parlent, ils ne disent pas Monsieur le Prof, ils m'appellent par mon vrai nom. Et effectivement, c'est un masque. C'était littéralement un masque que je portais quand j'étais invité à la télé pour en parler de ce que je faisais. Donc c'est en gros... C'est quelque chose qui a évolué. À l'origine, c'était juste un pseudo pour parler de ma vie de prof, voilà, demander conseils, etc. Et au bout d'un moment, c'est très vite devenu un personnage, ou un personnage sadique, où dedans je racontais comment j'aimais faire tourner en bourrique mes élèves, comment j'aimais les torturer psychologiquement, etc., en prenant des anecdotes qui se passaient vraiment en classe, et en écrivant dessus, en faisant des histoires rigolotes. Alors, d'où ça devient tout ça? Alors, j'imagine qu'on a envie de s'occuper un petit peu quand on est en classe et qu'on voit plein de situations drôles. Mais qu'est-ce qui te fait rire, toi, à la base? Qu'est-ce qui t'amuse? Si tu fais de l'humour, si tu fais des blagues, c'est que t'aimes rire. Oui, j'aime bien ça. Et ce qui me fait rire, déjà, c'est les élèves, c'est le rapport aux élèves. Et en fait, quand on devient prof, nos proches, nos amis, notre famille nous demandent très rapidement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en classe, mais les élèves, ils sont comment, etc. Donc, on a envie de raconter un peu tout ça. Et la question, c'est sous quel ton le faire. On peut faire ça, je sais pas, sociologiquement ou de façon humoristique. Et moi, je dirais que mon modèle en matière d'humour à ce niveau-là, c'est Riyad Satouf, en fait, avec ses BD La vie rêvée des jeunes ou Retour au collège, qui m'a beaucoup inspiré, où c'est juste des petits fragments de choses, de témoignages, d'anecdotes, mais racontés avec un ton, avec un décalage qui fait que ça rend les choses drôles. Enfin, oui, c'est drôle, on peut le dire. On peut le dire. Et puis vu la taille de la communauté et puis la vivacité de cette communauté, on peut le dire. Ah oui, mais Kev Adams a beaucoup d'abonnés aussi. C'est vrai. Mais on salue Kev Adams s'il nous écoute. Big up Kev. Qu'est-ce qui te fait rire par rapport à la BD, tu l'as cité, est-ce qu'il y a d'autres domaines, alors d'autres BD ou d'autres domaines, le stand-up, les films, qu'est-ce qui te fait rire dans la culture? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le décalage, c'est quand une situation banale, en fait, devient épique ou devient complètement surréaliste. Donc, je sais pas, moi, en matière d'humour, ce que j'aime beaucoup, c'est Louis, la série Louis et de Louis C.K. Louis C.K., oui. Où on a des situations banales, où il va prendre un verre, où il va en soirée avec quelqu'un, etc. Et d'un coup, s'immisce une situation complètement absurde, complètement décalée, qui nous fait prendre du recul sur des situations qu'on vit au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Alors, Louis C.K. que tu citais, c'est un pilier, c'est vraiment le pilier de l'humour du stand-up américain. Et c'est vrai que c'est parfois très noir, son humour. Est-ce que toi aussi, t'as besoin de te libérer de certaines choses noires de la vie comme ça pour en rire? Parce que c'est vraiment ça, Louis C.K. Si les auditeurs veulent aller découvrir, ça s'écrit Louis C.K. Et c'est vraiment de l'humour noir, entre autres. Ça te correspond, ça? Ouais, carrément. C'est je crois que c'est des proches qui disaient l'humour, c'est la politesse du désespoir. Donc c'est l'idée que on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'exorciser des situations pas évidentes en les tournant en dérision. Donc c'est quelque chose. En fait, mon compte a un peu explosé à l'époque où j'étais en ZEP. J'enseignais dans des collèges assez chauds. Et franchement, c'était dur, quoi. Psychologiquement, c'était pas évident d'aller dans des bahuts où les élèves te considèrent comme un ennemi, alors que t'es là pour leur apprendre des choses. Et donc, je tournais en dérision des situations assez dures qui m'arrivaient. Je sais pas, une élève qui me balance un stylo dans la tronche, c'est pas fun. Et la question, c'est comment cet événement qui est chaud, qui est délicat, comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui fera rire les gens? Donc souvent, ça passe par l'autodérision, en fait. C'est arriver à sortir de son propre corps pour prendre du recul et raconter quelque chose qui soit drôle. Et par rapport à justement ton rapport à l'éducation, il y avait un hashtag, un mot-clé sur les réseaux que tu as fait naître un petit peu comme une blague, éthique et responsable, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, vulgariser ce truc-là? Éthique et responsable, en fait, c'est l'intitulé d'une épreuve pour devenir prof. Il y a une épreuve qui était sur 6 points ou 4 points, je sais plus, qui s'appelait agir en fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable. Et ça t'a fait rire. Et déjà, c'est très drôle en tant que tel. Et en fait, à une époque sur Twitter, donc je faisais des blagues un peu hardcore de l'humour noir, où je faisais des tweets comme si j'aimais humilier mes élèves, ou j'aimais je racontais que j'aimais mettre un gaucher et un droitier côte à côte pour qu'ils se tapent constamment les coudes et qu'ils se fassent mal pendant mes cours, etc. Et les gens sont tombés dessus. Il y a des collègues qui étaient vraiment indignés, qui disaient mais c'est absolument pas éthique et responsable, ça. Et donc je me suis approprié cette critique qui me balançait en balançant ce hashtag. Dès que je faisais une connerie, je disais ça c'est absolument éthique et responsable. Et du coup, c'est le titre de mon deuxième bouquin. Donc, et dédicace aux haters, comme on dit. Petite promo au passage. Non, mais c'est bien. C'est le but aussi. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu t'imposes en général des limites dans ton humour? Est-ce que, enfin voilà, tu viens d'en parler un petit peu, mais est-ce que tu t'es imposé des règles à un moment donné ou c'est au gré des années, au gré de ton humeur? Oui, ben, ça a évolué. En fait, quand on fait des blagues au début, je sais pas, quand on a 50 ou 100 abonnés, on se pose pas trop de limites. On fait ce qu'on veut parce que personne va nous tomber dessus. Mais quand on a commencé à avoir plus de 1000 abonnés ou 10 000, les gens, ils nous scrutent un petit peu plus et donc faut faire attention. Donc assez vite, la règle que je me suis imposée, c'est faut pas que une blague que je fais puisse retomber sur un élève, qu'il puisse mal, qu'il puisse se sentir visé, qu'il puisse se reconnaître même, qu'on puisse se moquer de lui ou quoi. Donc ça, la règle de base, c'était soit attendre très longtemps avant de faire une blague. Genre si un truc se passe en classe, tu lui fais une blague dessus 2 ou 3 mois plus tard, et personne sait qui va être l'élève en question. Soit changer le genre de l'élève, soit modifier un truc de l'histoire, etc. Parce que le but, c'est pas d'humilier qui que ce soit, c'est pas de faire du mal, en fait. C'est de faire rire, donc... ça, c'est ma règle de base. c'est une bonne règle. Sinon, je crois que c'est la seule. Pour continuer, parce que je voulais absolument lister quelques-unes de tes activités autour, tu as créé un groupe de lecteurs passionnés sur Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle le Fifou Reading Club. Il y a un podcast aussi que tu avais commencé l'année dernière sur le monde de l'éducation qui s'appelle Le Mammouth. Tu aides beaucoup d'élèves, d'étudiants sur Internet avec des leçons d'anglais, des conseils pour les examens aussi, il me semble. Et déjà, est-ce que l'humour, c'est pas un prétexte pour faire passer des messages plus sérieux, apprendre des choses, donner ses revendications, etc.? Ouais, ça aide à faire passer la pilule. Alors, je dis pas que de base, je me dis pas genre, en me frottant les mains, genre, je vais leur faire des blagues et comme ça, bam, je pourrais leur balancer des petits trucs derrière. L'humour, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais effectivement, quand on a des revendications ou autres, quand on voit quelque chose de sérieux sur Internet, généralement, ça a tendance à vite un peu nous gonfler. Donc, effectivement, quand je dois faire passer une idée importante, un message ou autre, j'ai tendance à le passer sous le prisme de l'humour, dans un premier temps, en guise d'introduction, pour un peu attirer les lecteurs, pour garder leur attention. Et ensuite, on peut être sérieux. Mais ça, c'est quelque chose qui marche en classe aussi. Dès qu'on fait une vanne aux élèves ou quoi, on capte leur attention et après, on peut faire notre cours. Et oui, c'est un équilibre vraiment délicat. Est-ce que tu es drôle aussi en classe? J'espère que tu es drôle aussi en classe. moi, je considère que je le suis absolument, mais mes élèves ne rigolent pas énormément à mes blagues. C'est un peu vexant. Un peu vexant, effectivement. En fait, ce que j'aime vraiment, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un événement banal, en faire une histoire épique. Un événement banal dans le métier de prof, c'est la photocopieuse qui tombe en panne. Terrible. C'est terrible, effectivement. Et c'est comment cet événement qui est chiant et qui nous emmerde tous, prof, comment est-ce que je peux en faire quelque chose de drôle, d'épique? Donc je me souviens, justement, dans le bouquin, dans mon bahut, quand la photocopieuse est en panne, il faut aller dans l'autre bâtiment et il faut aller faire la photocopie ailleurs, donc il y a 5 minutes de marche. Et parfois, en fait, c'est totalement épique, il faut vite courir, et du coup, il y a les élèves dans les couloirs qui sont un peu avachis, donc tu sautes par-dessus, tu as trop l'impression d'être Indiana Jones avec une boule énorme qui te poursuit, etc. Donc c'est comment matérialiser ça, quoi. Comment faire en sorte que le lecteur puisse visualiser ce côté épique et cette pression. Donc vraiment, l'inspecteur quand il arrive, c'est une pression. Moi, je l'imagine comme un mec de western qui arrive et tout le monde ferme les fenêtres parce qu'on flippe. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà, transformer des événements banals en truc marrant, et ça c'est ma petite passion. Je me demande si cette petite passion, est-ce que ça marche seulement à l'écrit? Parce qu'en fait, j'imagine que quand tes amis viennent te voir en lisant un tweet à haute voix, un de tes tweets, et te disent, dis donc, ça rend pas bien, c'est pas drôle, est-ce que ça marche que à l'écrit? Parce qu'en fait, toi, à part dans le podcast Le Mammouth, et là tu parles sérieusement d'éducation avec des profs, etc., est-ce que dans tes notes rigolotes, dans tes tweets, etc., ça passe que par l'écrit? C'est vrai que moi, je pense que toute vanne est adaptable à l'écrit ou à l'oral. Moi, c'est vrai que je suis plus, je maîtrise plus l'écrit. Parce que c'est quelque chose que je peux travailler, que je peux peaufiner, que je peux corriger. Et ça demande, moins de spontanéité, je trouve, que de faire une blague à l'oral. Par exemple, raconter l'anecdote de la photocopieuse qui tombe en panne à l'oral. C'était un peu drôle. C'était un peu drôle, merci. Mais à l'écrit, j'ai le temps que je veux pour peaufiner mes métaphores, pour faire des liens avec d'autres histoires, etc. Alors, c'est pas la même chose. Faire du stand-up, par exemple, moi, je sais pas si j'en serais capable. J'ai des histoires de base, je pourrais, mais c'est un autre métier, en fait. C'est pas quelque chose que je maîtrise absolument. Donc, après, du stand-up, j'en fais un peu en classe. c'est ça, hein, on est face à une foule, faut captiver son attention. Et parfois, ça rigole. C'est une idée. Et parfois ça rigole de nous à notre insu. Mais moi je préfère passer par l'écrit, c'est quelque chose que je maîtrise mieux. Et tu citais le stand-up, nous on t'attend sur scène dans quelques années, mais c'est quoi le problème du stand-up en France ? Est-ce que c'est pas un petit peu balbutiant le stand-up en France encore ? Alors c'est marrant parce que j'ai un peu frôlé la scène stand-up à une époque parce que j'étais un peu au Paname à une époque, j'avais un projet avec Kader Aoun. Le producteur de stand-up. Et bon, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai un peu observé cette scène pendant quelques semaines et tout ça. Alors, moi, je suis pas expert. Hein. Ça me passionne pas le stand-up français. Qu'est-ce qui manque ? C'est une bonne question. Je dirais que c'est pas assez travaillé, en fait. Ça me paraît trop spontané. Alors, je sais, que clairement, il y a du taf derrière. Mais ça fait vraiment, pour le coup, anecdote de soirée. La dernière fois, il m'est arrivé ça. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin. Le stand-up, c'est cool, hein, l'humour. Mais après, moi, voilà, c'est pas trop ma cam. J'ai envie que ça me fasse un petit peu réfléchir, que ça me permette d'aborder des sujets sociaux ou autres. Que ce soit un point de départ, finalement. On te souhaite bien du courage. Merci beaucoup, William, monsieur le prof. Ouais, merci à vous. Et voilà, pour plus d'infos, on peut rediriger les gens vers, Twitter. @monsieur le prof, M-S-I-E-U-R, le prof, sur Alors Twitter. Alors ça, c'est juste pour économiser 2 caractères dans mon pseudo. Eh oui, j'imagine. Sur Facebook, on trouve en tapant Monsieur le Prof aussi. Et puis, je recommande les 2 épisodes qu'il y a du podcast Le Mammouth, qui parle d'éducation, et puis beaucoup de choses. Hein, monsieurleprof.com, le site où tu as réuni beaucoup d'infos sur toi, un petit peu tout. Merci beaucoup, et puis bonne continuation à toi. Merci. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Les recommandations. Dans ces quelques minutes qui nous restent après l'interview de Monsieur le Prof, on vous recommande plusieurs œuvres culturelles comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui, on va continuer à parler uniquement d'humour. Voilà, c'est un petit peu le hasard. Myriam, commence par nous parler un petit peu de l'histoire du stand-up, parce que c'est vrai qu'on a dit stand-up, mais si vous connaissez pas, c'est peut-être quelque chose qui est assez étranger pour vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet art de la scène et de l'humour ? Stand-up ? Ouais, donc pour le définir, l'humoriste est seul, sans décor, pas d'accessoires. Il va briser le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au public. C'est né dans les années au 19e siècle, avec les musicals, etc. Ça a eu d'abord une histoire en Grande-Bretagne, mais ça a un gros essor aux États-Unis dans les années 60, avec notamment une des figures sulfureuses de l'époque, c'est Lenny Bruce, qui est un des personnages d'ailleurs qui est repris dans la série Miss Maisel. Mrs. Maisel, voilà. Donc Lenny Bruce est très controversé, mais il a beaucoup marqué son époque. Il a beaucoup arrêté pour obscénité. Mais le stand-up, de manière générale, c'est assez transgressif. C'est intelligent, il y a beaucoup de références, beaucoup d'autodérision. Il y a une sensation du coup d'intimité qui se crée avec le public. Et il peut y avoir des gros débats, on aborde des sujets importants, en fait, de politique, raciaux, sexuels, ça peut être vraiment une satire de la société. Et je trouve qu'il y en a un qui fonctionne bien aujourd'hui en France, qui s'appelle Haroun, et qui a fait un petit peu évoluer aussi le sujet en utilisant Internet, en mettant à disposition sur Internet plusieurs spectacles, et notamment avec le projet pasquinade.fr, qui permet de renforcer la relation artiste-spectateur en proposant un chapeau numérique et pour éviter de payer les GAFA. Donc voilà. Google, Amazon, Facebook et voilà. Apple. Et puis il aime bien aussi, quand il va dans une ville, par exemple, demander aux internautes de commenter et de donner des sujets qu'il va pouvoir adapter du coup aux personnes, enfin à la ville où il arrive, et donc faire quelque chose de local. Et donc, j'aime bien ce qu'il fait. C'est fin, subversif, et il y a un rapport au public qui est intéressant. Haroun avec un H, si vous découvrez, tapez ça sur les internets. Et c'est vrai que c'est un petit peu une des caractéristiques du stand-up aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui se font aussi avec internet. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un artiste qu'on a évoqué un petit peu dans l'interview avec Monsieur le Prof, que je vous recommande vraiment particulièrement. C'est Louis C.K. Louis C.K., ça s'écrit C.K. Et c'est le pilier de stand-up, du stand-up américain d'aujourd'hui, super drôle. Et puis voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu évoquer, que je voulais juste citer dans le sujet de l'humour, qui est vaste, mon Dieu qu'il est vaste. On n'a pas cité des séries télé, donc il y a Louis, la série de Louis C.K. Il y a Bref, bien sûr, il y a Kaamelott, il y a Le Visiteur du Futur, qui est une série humoristique sur internet. Il y a un peu de tout, il y a vraiment de tout. Il y a la comédie dans le cinéma qu'on n'a pas cité, Louis de Funès et tout, notre héritage bien français. Et puis aujourd'hui, il y en a qui reprennent le flambeau, Kairon, etc. Bon, il y a de la BD aussi sur les réseaux sociaux que j'aurais voulu aborder, mais je vous cite juste Sarah Anderson. C'est une auteure qui est américaine, qui fait de la BD en ligne, et c'est des petits strips semi-autobiographiques sur la maturité, l'âge adulte, toujours un petit peu d'autodérision. Josué, qu'est-ce que tu peux nous citer comme autre forme d'humour télé? Moi, je vous conseille, c'est arrêté maintenant, l'émission est arrêtée, mais c'est On ne demande qu'à en rire. Alors, vous connaissez peut-être les gens qui regardaient tous les jours à la télé sur France 2. Ondar. Et maintenant, c'est le show de Ondar. Et ça, tout a été retranscrit sur YouTube. Donc, toutes les shows sont diffusées sur YouTube gratuitement. Donc. Et ils les ont classés maintenant depuis peu par humoriste. Donc, c'est-à-dire que si vous recherchez, par exemple, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, Arnaud de sa mère, vous aurez tous ses sketchs Ondar. Il en a fait près de 90, 100. Je l'ai tous vu deux fois, quoi. C'est vraiment génial. Ça permet de voir comment ils ont débuté, parce qu'ils ont débuté grâce à ça. La plupart des humoristes connus grâce à Ondar, entre autres. Je vous recommande fortement d'aller voir la chaîne de On ne demande qu'à en rire. Et oui, il y a de quoi faire en télé aussi. Moi, je vous recommande aussi un podcast qui s'appelle Comedy News Weekly. Et ça, c'est Dan Gagnon, un humoriste québécois, et Anthony Mirelli, un autre humoriste qui anime ce podcast, qui parle de l'actualité, en fait, de la comédie dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur et sa diversité. Ça parle des Simpsons, comme ça peut parler d'Internet, comme ça peut parler du stand-up. Donc, allez voir du côté de Comedy News Weekly sur Internet pour écouter ça. Nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Myriam et Josué. Merci à Coraline à la réalisation et au cadrage. Merci à Bérénice qui donne toujours sa voix pour les jingles. Merci à notre invité, Monsieur le Prof, que vous pouvez retrouver sur les réseaux puisque c'est là qu'il officie. Merci à vous de nous avoir suivis. Un rendez-vous jeudi prochain, si le cœur vous en dit, pour la toute dernière contre-soirée. Voilà, on est un peu triste, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on sera triste dans 7 jours, jeudi 19h. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.